Dossier 8. Éducation. Leçon 1. Défi pour la Terre. Activités 6, 7 et 8. Bon alors, qu'est-ce que vous avez imaginé comme action pour cette journée de la Terre? On écoute le premier groupe. Bah voilà, nous, on a eu une idée. C'est de faire une campagne, de coller des affiches un peu partout dans la ville avec des slogans de ce genre. Regardez. Oui, on pense qu'on peut éveiller les consciences avec des formules choc, comme ça. Faites voir. Soyez écolo, économisez l'eau. Homme en devenir, pensez à votre avenir. Ah, oh, ça rime, il y a des poètes dans la classe. Ouais, c'est archi nul. Le vélo, c'est beau, l'auto, c'est pas rigolo. Vous prenez les gens pour quoi? Oh, oh, oh, on s'écoute. Tout le monde a le droit d'exposer ses propositions. Mais pourquoi vous vous adressez surtout aux enfants et aux jeunes? Parce que je crois pas qu'on puisse atteindre facilement tous les publics, non. Mais on peut modifier le comportement des gens si on commence par les enfants. Et c'est eux qui pourront faire passer le message dans leur famille. Oui, il a raison. Je suis sûre que c'est mieux de viser surtout les très jeunes. Bon, ils sont pas mal vos slogans. Mais pour celui-là, je trouve que vous êtes très optimiste. Moi, ça m'étonnerait que les gens veuillent laisser leur voiture. On sait bien que le nombre de voitures est en augmentation. Et le deuxième groupe? Nous, on veut que les gens soient actifs aussi, et pas seulement sensibilisés aux problèmes. Mais tout le monde, les adultes, les enfants, on voudrait qu'ils fassent des gestes concrets comme nettoyer les forêts, les plages, planter des arbres. Ah ouais, c'est mieux ça. Ouais. Et vous, Kelly? L'idée des slogans, c'est pas mal, mais si vous voulez qu'on agisse vraiment et de manière efficace, moi, j'ai une idée. Je propose que nous, toute la classe, on devienne des ambassadeurs de la Fondation Nicolas Hulot. Ah, très bien. Expliquez-nous un peu. C'est une fondation pour inciter les jeunes...